Zhuganov, président du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, a fait parvenir son message de félicitations au respecté dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée. Au nom du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, il a adressé les félicitations sincères à l'occasion de la nouvelle année 2017 et souhaité santé et bonheur aux camarades Kim Jong-un et à ses amis intimes, ainsi que paix, prospérité et bien-être à tout le peuple coréen.